Chapitre 13. Quel serait aujourd'hui l'état de la société si le christianisme n'eût point paru sur la terre? Conjecture. Conclusion. Nous terminerons cet ouvrage par l'examen de l'importante question qui fait le titre de ce dernier chapitre. En tâchant de découvrir ce que nous serions probablement aujourd'hui si le christianisme n'eût pas paru sur la terre, nous apprendrons à mieux apprécier ce que nous devons à cette religion divine. Auguste parvint à l'Empire par des crimes et régna sous la forme des vertus. Il succédait à un conquérant et pour se distinguer, il fut tranquille. Ne pouvant être un grand homme, il voulait être un prince heureux. Il donna beaucoup de repos à ses sujets. Un immense foyer de corruption s'assoupit. Ce calme fut appelé prospérité. Auguste eut le génie des circonstances. C'est celui qui recueille les fruits que le véritable génie a préparés. Il le suit et ne l'accompagne pas toujours. Tibère méprisa trop les hommes, et surtout leur fit trop voir ce mépris. Le seul sentiment dans lequel il mit de la franchise était le seul où il eût dû dissimuler. Mais c'était un cri de joie qu'il ne pouvait s'empêcher de pousser, en trouvant le peuple et le Sénat romain au-dessous même de la bassesse de son propre cœur. Lorsqu'on vit ce peuple roi se prosterner devant Claude et adorer le fils des Norbarbus, on peut juger qu'on l'avait honoré en gardant avec lui quelques mesures. Rome aima Néron. Longtemps après la mort de ce tyran, ses fantômes faisaient tressaillir l'Empire de joie et d'espérance. C'est ici qu'il faut s'arrêter pour contempler les mœurs romaines. Ni Titus, ni Antonin, ni Marc Aurèle ne purent en changer le fond. Un dieu seul le pouvait. Le peuple romain fut toujours un peuple horrible. On ne tombe point dans les vices qu'il fit éclater sous ses maîtres sans une certaine perversité naturelle et quelques défauts de naissance dans le cœur. Athènes corrompue ne fut jamais exécrable. Dans les fers, elle ne songea qu'à jouir. Elle trouva que ses vainqueurs ne lui avaient pas tout ôté puisqu'ils lui avaient laissé le temple des muses. Quand Rome eut des vertus, ce furent des vertus contre nature. Le premier Brutus égorge ses fils et le second assassine son père. Il y a des vertus de position qu'on prend trop facilement pour des vertus générales et qui ne sont que des résultats locaux. Rome libre fut d'abord frugale parce qu'elle était pauvre, courageuse parce que ses institutions lui mettaient le fer à la main et qu'elle sortait d'une caverne de brigands. Elle était d'ailleurs féroce, injuste, avare, luxurieuse. Elle n'eut de beau que son génie, son caractère fut odieux. Les décemvirs la foulent aux pieds. Marius verse à volonté le sang des nobles et Sylla celui du peuple. Pour dernière insulte, celui-ci abjure publiquement la dictature. Les conjurés de Catilina s'engagent à massacrer leur propre père et se font un jeu de renverser cette majesté romaine que Jugurtha se propose d'acheter. Viennent les triumvirs et leurs proscriptions. Auguste ordonne au père et au fils de s'entretuer et le père et le fils s'entretuent. Le Sénat se montre trop vil. Même pour Tibère. Le dieu Néron a des temples, sans parler de ses délateurs sortis des premières familles patriciennes, sans montrer les chefs d'une même conjuration se dénonçant et s'égorgeant les uns les autres, sans représenter des philosophes discourant sur la vertu au milieu des débauches de Néron, Sénèque excusant un parricide, Burrus le louant et pleurant à la fois, sans rechercher sous Galba, Vétilius, Domitien, Commode, ces actes de lâcheté qu'on a lus 100 fois et qui étonnent toujours. Un seul trait nous peindra l'infamie romaine. Plotien, ministre de Sévère, en mariant sa fille au fils aîné de l'empereur, fit mutiler 100 Romains libres, dont quelques-uns étaient mariés et pères de famille, afin, dit l'historien, que sa fille eût à sa suite des eunuques dignes d'une reine d'Orient. À cette lâcheté de caractère, joignez une épouvantable corruption de mœurs. Le grave Caton vient pour assister aux prostitutions des jeux de Flore. Sa femme Marcia étant enceinte, il la cède à Hortensius. Quelque temps après, Hortensius meurt, et ayant laissé Marcia héritière de tous ses biens, Caton la reprend, au préjudice du fils d'Hortensius. Cicéron se sépare de Terentia pour épouser Publilia, sa pupille. Sénèque nous apprend qu'il y avait des femmes qui ne comptaient plus leurs années par consul, mais par le nombre de leurs maris. Tibère invente les scellarii et les spintriae. Néron épouse publiquement l'affranchi Pythagore et Héliogabale célèbre ses noces avec Héroclès. Ce fut ce même Néron, déjà tant de fois cité, qui institua les fêtes juvénales. Les chevaliers, les sénateurs et les femmes du premier rang étaient obligés de monter sur le théâtre, à l'exemple de l'empereur, et de chanter des chansons dissolues en copiant les gestes des histrions. Pour le repas de Tigellin, sur l'étang d'Agrippa, on avait bâti des maisons au bord du lac, où les plus illustres romaines étaient placées vis-à-vis des courtisanes toutes nues. À l'entrée de la nuit, tout fut illuminé, afin que les débauches eussent un sens de plus et un voile de moins. La mort faisait une partie essentielle de ces divertissements antiques. Elle était là pour contraste et pour rehaussement des plaisirs de la vie. Afin d'égayer le repas, on faisait venir des gladiateurs avec des courtisanes et des joueurs de flûte. En sortant des bras d'une infâme, on allait voir une bête féroce boire du sang humain. De la vue d'une prostitution, on passait au spectacle des convulsions d'un homme expirant. Quel peuple que celui-là, qui avait placé l'opprobre à la naissance et à la mort, et élevé sur un théâtre les deux grands mystères de la nature, pour déshonorer d'un seul coup tout l'ouvrage de Dieu. Les esclaves qui travaillaient à la terre avaient constamment les fers aux pieds. Pour toute nourriture, on leur donnait un peu de pain, d'eau et de sel. La nuit, on les renfermait dans des souterrains qui ne recevaient d'air que par une lucarne pratiquée à la voûte de ces cachots. Il y avait une loi qui défendait de tuer les lions d'Afrique, réservée pour les spectacles de Rome. Un paysan qui eût disputé sa vie contre un de ces animaux eût été sévèrement puni. Quand un malheureux périssait dans l'arène, déchiré par une panthère ou percé par les bois d'un cerf, certains malades couraient se baigner dans son sang et le recevoir sur leurs lèvres avides. Caligula souhaitait que le peuple romain n'eût qu'une seule tête pour l'abattre d'un seul coup. Ce même empereur, en attendant les jeux du cirque, nourrissait les lions de chair humaine, et Néron fut sur le point de faire manger des hommes tout vivants à un Égyptien connu par sa voracité. Titus, pour célébrer la fête de son père Vespasien, donna 3000 juifs à dévorer aux bêtes. On conseillait à Tibère de faire mourir un de ses anciens amis qui languissait en prison. « Je ne me suis pas réconcilié avec lui », répondit le tyran par un mot qui respire tout le génie de Rome. C'était une chose assez ordinaire qu'on égorgea 5 000, 6 000, 10 000, 20 000 personnes de tout rang, de tout sexe et de tout âge, sur un soupçon de l'empereur, et les parents des victimes ornaient leurs maisons de feuillage, baisaient les mains du dieu et assistaient à ces fêtes. La fille de Séjan, âgée de 9 ans, qui disait qu'elle ne le ferait plus et qui demandait qu'on lui donnât le fouet lorsqu'on la conduisait en prison, fut violée par le bourreau avant d'être étranglée par lui. Tant ces vertueux romains avaient de respect pour les lois. On vit sous Claude, et Tacite le rapporte comme un beau spectacle, 19 000 hommes s'égorger sur le lac Fucin pour l'amusement de la populace romaine. Avant d'en venir aux mains, les combattants saluèrent l'empereur, Ave Imperator, moriturit et salutant. César, ceux qui vont mourir, te saluent. Mot aussi lâche qu'il est touchant. C'est l'extinction absolue du sens moral qui donnait aux Romains cette facilité de mourir, qu'on a si follement admirée. Les suicides sont toujours communs chez les peuples corrompus. L'homme réduit à l'instinct de la brute meurt indifféremment comme elle. Nous ne parlerons point des autres vices des Romains, de l'infanticide autorisé par une loi de Romulus et confirmé par celle des douze tables, de l'avarice sordide de ce peuple fameux. Scaptius avait prêté quelques fonds au Sénat de Salamine. Le Sénat n'ayant pu le rembourser au terme fixé, Scaptius le tint si longtemps assiégé par des cavaliers que plusieurs sénateurs moururent de faim. Le stoïque Brutus, ayant quelque affaire commune avec ce concussionnaire, s'intéresse pour lui auprès de Cicéron, qui ne peut s'empêcher d'en être indigné. Si donc les Romains tombèrent dans la servitude, ils ne durent s'en prendre qu'à leurs mœurs. C'est la bassesse qui produit d'abord la tyrannie, et, par une juste réaction, la tyrannie prolonge ensuite la bassesse. Ne nous plaignons plus de l'état actuel de la société. Le peuple moderne le plus corrompu est un peuple de sages auprès des nations païennes. Quand on supposerait un instant que l'ordre politique des anciens fût plus beau que le nôtre, leur ordre moral n'approcha jamais de celui que le christianisme a fait naître parmi nous. Et comme enfin la morale est en dernier lieu la base de toute institution sociale, jamais nous n'arriverons à la dépravation de l'Antiquité tandis que nous serons chrétiens. Lorsque les liens politiques furent brisés à Rome et dans la Grèce, quel frein resta-t-il aux hommes? Le culte de tant de divinités infâmes pouvait-il maintenir des mœurs que les lois ne soutenaient plus? Loin de remédier à la corruption, il en devint un des agents les plus puissants. Par un excès de misère qui fait frémir, l'idée de l'existence des dieux, qui nourrit la vertu chez les hommes, entretenait les vices parmi les païens, et semblait éterniser le crime, en lui donnant un principe d'éternelle durée. Des traditions nous sont restées de la méchanceté des hommes et des catastrophes terribles, qui n'ont jamais manqué de suivre la corruption des mœurs. Ne serait-il pas possible que Dieu eût combiné l'ordre physique et moral de l'univers de manière qu'un bouleversement dans le dernier entraîna des changements nécessaires dans l'autre, et que les grands crimes amenassent naturellement les grandes révolutions? La pensée agit sur le corps d'une manière inexplicable. L'homme est peut-être la pensée du grand corps de l'univers. Cela simplifierait beaucoup la nature et agrandirait prodigieusement la sphère de l'homme. Ce serait aussi une clé pour l'explication des miracles, qui rentrerait dans le cours ordinaire des choses. Que les déluges, les embrasements, le renversement des états eussent leur cause secrète dans les vices de l'homme. Que le crime et le châtiment fussent les deux poids moteurs placés dans les deux bassins de la balance morale et physique du monde. La correspondance serait belle et ne ferait qu'un tout d'une création qui semble double au premier coup d'œil. Il se peut donc faire que la corruption de l'Empire romain ait attiré du fond de leur désert les barbares qui, sans connaître la mission qu'ils avaient de détruire, s'étaient appelés par instinct le fléau de Dieu. Que fût devenu le monde si la grande arche du christianisme n'eût sauvé les restes du genre humain de ce nouveau déluge? Quelle chance restait-il à la postérité? Où les lumières se fussent-elles conservées? Les prêtres du polythéisme ne formaient point un corps d'hommes lettrés, hors en Perse et en Égypte. Mais les mages et les prêtres égyptiens, qui d'ailleurs ne communiquaient point leur science aux vulgaires, n'existaient déjà plus en corps lors de l'invasion des barbares. Quant aux sectes philosophiques d'Athènes et d'Alexandrie, elles se renfermaient presque entièrement dans ces deux villes, et consistaient tout au plus en quelques centaines de rhéteurs qui eussent été égorgés avec le reste des citoyens. Point d'esprit de prosélytisme chez les anciens, aucune ardeur pour enseigner, point de retraite au désert pour y vivre avec Dieu et pour y sauver les sciences. Quel pontife de Jupiter eût marché au-devant d'Attila pour l'arrêter? Quel lévite eût persuadé à Alaric de retirer ses troupes de Rome? Les barbares qui entraient dans l'Empire étaient déjà à demi chrétiens. Mais voyons-les marcher sous la bannière sanglante du dieu de la Scandinavie ou des Tartares, ne rencontrant sur leur route ni une force d'opinion religieuse qui les oblige à respecter quelque chose, ni un fond de mœurs qui commence à se renouveler chez les Romains par le christianisme. N'en doutons point, ils eussent tout détruit. Ce fut même le projet d'Alaric. « Je sens en moi, disait ce roi barbare, quelque chose qui me porte à brûler Rome. C'est un homme monté sur des ruines et qui paraît gigantesque. Des différents peuples qui envahirent l'Empire, les Goths semblent avoir eu le génie le moins dévastateur. Théodoric, vainqueur d'Odoacre, fut un grand prince, mais il était chrétien. Mais Boès, son premier ministre, était un homme de lettres chrétien. Cela trompe toutes les conjectures. Qu'eussent fait les Goths idolâtres? Ils auraient sans doute tout renversé comme les autres barbares. D'ailleurs, ils se corrompirent très vite, et si au lieu de vénérer Jésus-Christ, il s'était mis à adorer Priape, Vénus et Bacchus, quel effroyable mélange ne fut-il point résulté de la religion sanglante d'Odin et des fables dissolues de la Grèce ? Le polythéisme était si peu propre à conserver quelque chose qu'il tombait lui-même en ruine, de toutes parts, et que Maximin voulut lui faire prendre les formes chrétiennes pour le soutenir. Ce César établit dans chaque province un lévite qui correspondait à l'évêque, un grand prêtre qui représentait le métropolitain. Julien fonda des couvents de païens et fit prêcher les ministres de Baal dans leur temple. Cet échafaudage, imité du christianisme, se brisa bientôt, parce qu'il n'était pas soutenu par un esprit de vertu et ne s'appuyait pas sur les mœurs. La seule classe des vaincus respectée par les barbares fut celle des prêtres et des religieux. Les monastères devinrent autant de foyers où le feu sacré des arts se conserva avec la langue grecque et la langue latine. Les premiers citoyens de Rome et d'Athènes, s'étant réfugiés dans le sacerdoce chrétien, évitèrent ainsi la mort ou l'esclavage auxquels ils eussent été condamnés avec le reste du peuple. On peut juger de l'abîme où nous serions plongés aujourd'hui si les barbares avaient surpris le monde sous le polythéisme, par l'état actuel des nations où le christianisme s'est éteint. Nous serions tous des esclaves turcs ou quelque chose de pire encore, car le mahométisme a du moins un fond de morale qu'il tient de la religion chrétienne dont il n'est après tout qu'une secte très éloignée. Mais de même que le premier Ismaël fut ennemi de l'antique Jacob, le second est le persécuteur de la nouvelle. Il est donc très probable que sans le christianisme, le naufrage de la société et des Lumières eût été total. On ne peut calculer combien de siècles eussent été nécessaires au genre humain pour sortir de l'ignorance et de la barbarie corrompue dans lesquelles il se fut trouvé enseveli. Il ne fallait rien moins qu'un corps immense de solitaires, répandus dans les trois parties du globe et travaillant de concert à la même fin, pour conserver ces étincelles qui ont rallumé chez les modernes le flambeau des sciences. Encore une fois, aucun ordre politique, philosophique ou religieux du paganisme n'eût pu rendre ce service inappréciable, au défaut de la religion chrétienne. Les écrits des anciens, se trouvant dispersés dans les monastères, échappèrent en partie aux ravages des Goths. Enfin, le polythéisme n'était point, comme le christianisme, une espèce de religion lettrée, si nous osons nous exprimer ainsi, parce qu'il ne joignait point comme lui la métaphysique et la morale aux dogmes religieux. La nécessité où les prêtres chrétiens se trouvèrent de publier eux-mêmes des livres, soit pour propager la foi, soit pour combattre l'hérésie, a puissamment servi à la conservation et à la renaissance des Lumières. Dans toutes les hypothèses imaginables, on trouve toujours que l'Évangile a prévenu la destruction de la société, car, en supposant qu'il n'eût point paru sur la terre, et que d'un autre côté, les barbares fussent demeurés dans leurs forêts, le monde romain, pourrissant dans ses mœurs, était menacé d'une dissolution épouvantable. Les esclaves se fussent-ils soulevés, mais ils étaient aussi pervers que leurs maîtres. Ils partageaient les mêmes plaisirs et la même honte. Ils avaient la même religion, et cette religion passionnée détruisait toute espérance de changement dans les principes moraux. Les lumières n'avançaient plus, elles reculaient, les arts tombaient en décadence. La philosophie ne servait qu'à répandre une sorte d'impiété qui, sans conduire à la destruction des idoles, produisait les crimes et les malheurs de l'athéisme dans les grands, en laissant aux petits ceux de la superstition. Le genre humain avait-il fait des progrès parce que Néron ne croyait plus aux dieux du Capitole et qu'il souillait par mépris les statues des dieux ? Tacite prétend qu'il y avait encore des mœurs au fond des provinces, mais ces provinces commençaient à devenir chrétiennes. Et nous raisonnons dans la supposition que le christianisme n'eût pas été connu et que les barbares ne fussent pas sortis de leur désert. Quant aux armées romaines qui vraisemblablement auraient démembré l'Empire, les soldats en étaient aussi corrompus que le reste des citoyens et l'eussent été bien davantage s'ils n'avaient été recrutés par les Goths et les Germains. Tout ce que l'on peut conjecturer, c'est qu'après de longues guerres civiles et un soulèvement général qui eût duré plusieurs siècles, la race humaine se fut trouvée réduite à quelques hommes errants sur des ruines. Mais que d'années n'eût-il point fallu à ce nouvel arbre des peuples pour étendre ses rameaux sur tant de débris? Combien de temps les sciences, oubliées ou perdues, n'eussent-elles point mis à renaître? Et dans quel état d'enfance la société ne serait-elle point encore aujourd'hui ?